Chapitre 3. Ils étaient au lit, Germaine dormait. Par une fente sur le plancher, goutte à goutte, la pluie gouttait. C'était la pluie. Les autres nuits, oui, c'était la pluie. Mais aujourd'hui... une goutte toquait, puis à la file, 3. Une goutte toquait, puis à la file, 3. Une goutte. La première était pour l'œil, la deuxième était pour l'œil, puis à la file, 3 pour la tête dans le trou qu'il avait. Déjà très grand dans la tête le trou qu'il avait. Les mots rongeaient, c'était la nuit. Chut. Germaine dormait. Les mots rongeaient, c'était la nuit. Chut. Germaine dormait. Déjà très grand dans la tête le trou qu'il avait. Un mot venait, une goutte toquait. Un mot venait, une goutte toquait. Puis à la file, 3. Germaine dormait. Plus grand dans la tête le trou qu'il avait. Germaine! Chut. Germaine dormait. Une goutte toquait, un mot venait. Une goutte toquait, un œil pleurait. Puis à la file 3, dans le trou de la tête où les mots rongeaient, les mots tombaient. Germaine, Germaine! Chut, Germaine dormait. Germaine, Germaine! Chut, Germaine dormait. La peur venait. Germaine dormait. Par la fente sur le plancher, goutte à goutte, la peur toquait. Les autres nuits, oui, c'était la pluie, mais aujourd'hui. Une goutte toquait, un mot rongeait. Une goutte toquait, un cœur tremblait. Puis à la file 3. Oh, dans la tête, le grand trou qui s'ouvrait. Germaine, Germaine, Germaine! Chut! Germaine dormait. Germaine! Chut! Germaine dormait.